une vie toute simple. À l'aube de ses 21 ans, Faustine ignore encore que la vie ressemble à une auberge espagnole. On y trouve ce qu'on y apporte. En conséquence, il lui incombera, comme à chacun, de percer le mystère de l'utilité, subséquemment de la finalité de son passage sur Terre. Toutes les années à venir y suffiront-elles? D'autant qu'elle manque singulièrement d'ambition. En clair, elle ne sait ni qui elle est, ni ce qu'elle pourrait faire dans son existence. Elle n'a pas été élevée en vue de servir ses propres intérêts. Faire ses choix, réaliser des rêves, concrétiser des désirs, pourquoi faire? Est-ce que la vie ne se charge pas de vous canaliser, de faire de vous ce que bon lui semble? Quel libre arbitre! Ne lui a-t-on pas assez dit qu'il était limité? Des parents, un mari, un employeur, des enfants, une voie toute tracée. Oh, après tout, ils ont bien raison, tous autant qu'ils sont. Pourquoi s'obstiner à nager contre le courant quand il suffit de se laisser porter sans trop réfléchir? À ce stade, Faustine, aussi jolie, éveillée et spontanée soit-elle, n'a pas encore appris à s'aimer. Comment le pourrait-elle, tant qu'elle est en dépendance affective? Souvent, depuis qu'elle est rentrée de Suisse, elle a regretté de s'être laissée manipuler par sa mère. Elle s'en est tellement voulu d'avoir succombé à cette trouée viscérale, résidu d'abandonnisme de sa toute petite enfance, qui lui a fait prendre le train du retour, alors qu'elle aurait dû choisir l'amour de Bernard, peu importait son prix. Résultat, n'ayant plus aucune confiance dans son aptitude à s'émanciper, Faustine attend, impatient, le tiers providentiel qui l'y aidera. Si elle a pour elle un petit sens des valeurs tout personnelles, gagner sa vie à la sueur de son front, accoucher dans la douleur, ne pas voler, ne pas mentir, la demoiselle aussi encore trop au gré des rencontres. Elle se laisse choisir, vite satisfaite d'une vague illusion d'acceptation ou de décision. Son projet de vie, voyager autant que faire se peut de par le vaste monde, aller à la rencontre des autres, les regarder vivre, c'est tout ce qui l'intéresse. Il est un peu tard pour entreprendre des études d'hôtesse de l'air. Il va falloir trouver un autre moyen. Le cheval adéquat, le tremplin idéal. Elle sait qu'elle ne peut pas compter sur ses parents qui n'ont aucun intérêt à la laisser prendre son envol. Ils l'ont assez prouvé. Et du côté de Jean-Claude, l'espoir d'une vie différente? Comme tous ceux qui ont souffert, qui souffrent encore, il réfléchit, sans doute plus qu'elle-même, au sens de sa vie. Sauf que pour l'instant, il est obnubilé par l'idée de récupérer son fils, ce qui laisse peu de place à la romance. Et la photo? Elle est ravie. Est-ce que c'est suffisant si on n'a pas de projet de couple un peu plus ambitieux? Travailler ensemble, exposer les images, participer aux courses? Faustine s'interroge. Ce dimanche, elle répond à l'invitation du déjeuner en famille. L'accueil est chaleureux. Manifestement, la matriarche souhaite voir son petit dernier casé. Et Faustine, fille de commerçant, pourrait être un choix acceptable. Les frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, cousins, cousines et assimilés n'osent pas contredire, même s'ils le trouvent un peu rapide. Déjà, on entend au loin sonner les cloches du mariage. Dans cette maison, la terrasse est posée sur le toit. Faustine apprécie l'ombre bienfaisante dispensée par la glycine autant que le festin offert. Pissaladière, pizza, ravioli, cannelloni, pappardelle et cette sauce tomate extraordinaire. De sa vie, la jeune femme n'en remangera de pareil. Pendant tout le repas, les qualités de son compagnon sont vantées. Travailleur, sérieux, fidèle, aimable, mais aussi artiste de talent. Chercher l'erreur, pense la nouvelle venue. Un peu trop beau pour être vrai, tout ça. Et pourquoi qu'elle l'a plaqué, l'autre? Pourtant, se dit Faustine, ce serait si séduisant de se laisser convaincre. Si facile, si bon de s'abandonner. Imaginez. Épouser un héritier, porter ses enfants, l'aider à tenir le commerce. Plus que tout, éprouver le sentiment d'appartenance inhérent à l'intégration d'une grande famille installée dans la place depuis plusieurs générations. Quel changement, quelle attrayante promesse de stabilité. Faustine et Jean-Claude sortent de plus en plus souvent ensemble, mais elles ne rentrent pas encore. Son nouveau camarade a introduit Faustine dans le monde des rallyes. Munie d'un bel appareil et d'une poignée de pellicules, elle fait le pied de grue au bord d'une route cantonale pour capter le passage de Michel Mouton, déjà plusieurs fois championne de France et d'Europe. Ça plaît bien à Faustine ce monde de l'automobile. Il y règne une ambiance virile assez particulière, un esprit de solidarité et de partage. Quand la course est terminée, Jean-Claude, en tant que photographe supplétif, a accès au salon de réception privé, ce qui permet à Faustine d'approcher l'idole du jour. Si Faustine aime bien conduire, elle n'est pas forcément fondue de mécanique ni grande stratège. Par contre, elle admire les femmes qui font autre chose que de l'attendu dans leur vie. Michel Mouton fait partie de celle-là. Sans pour autant lui faire vivre une vie par procuration, de tels exemples stimulent Faustine en lui donnant accès à des projets de vie différents. Même si, pour le moment, elle procède surtout par élimination. Dans le domaine des photos artistiques, Faustine est déjà plus à son aise, sans aller jusqu'à se projeter en centerfold de Playboy. Après tout, elle n'a rien à cacher, et puis c'est une expérience, non? Si elle ne la vit pas à son âge, à 60 ans, elle aura loupé le coche, c'est sûr. Ainsi soit-il. Pour commencer, quelques portraits potiches sur fond de Méditerranée, avant de passer aux poses sérieuses. Jean-Claude vient de recevoir un objectif spécial nuit et meurt d'envie de l'essayer. De fait, les tirages qu'il lui montre sont vraiment superbes. Convaincu du côté artistique du prétexte, Faustine accepte de se déshabiller, un peu, dans le grand appartement vide. Là aussi, les formes, et pas que les siennes, sont respectées. Faustine se rend compte, au vu des négatifs, que le jeune homme excelle dans l'art de capter la lumière sur un grain de peau. Il joue sur l'ombre et la clarté sans jamais rien dévoiler d'équivoque. Montrer sans trivialité ni vulgarité, voilà le secret. Faustine rentre chez elle, seule. Ce n'est pas qu'elle veuille jouer les prudes effarouchées, mais elle a besoin d'un temps mort pour se retrouver après l'affaire Maxime. Instinctivement aussi, elle sent que son éventuelle future belle-mère, la matriarche, ne supporterait pas une autre fille facile auprès de son fils. Si elle souhaite effectivement s'établir définitivement à Grasse et s'intégrer, Faustine a tout intérêt à obéir aux règles de la bienséance. Un soir, en rentrant du boulot, Faustine trouve un courrier de Maxime dans sa boîte aux lettres. Elle lui avait pourtant demandé de ne plus la contacter. Une autre aurait-elle eu le stoïcisme de jeter la missive sans l'ouvrir? Hélas, pour elle, Faustine n'a jamais su respecter une enveloppe fermée. « Je reprends le boulot ce matin, » explique la missive. « J'avale consciencieusement les petites pilules d'amitriptyline censées m'aider à t'oublier. L'autre jour, tu as bien voulu te plier à cette mascarade humiliante, consistant à m'insulter au téléphone pour bien faire comprendre à ma femme, tenant l'écouteur, qu'il ne pouvait rien y avoir entre nous. Le stratagème a fonctionné. J'ai eu droit à des excuses larmoyantes et à de nombreuses compensations en nature pour cause d'accusations mensongères. Tu vois, les dépressions peuvent avoir leur bon côté, même si ça n'a pas suffi à t'extraire de mon cerveau, encore moins de mon cœur. Au Moyen-Âge, on t'aurait brûlé pour sorcellerie. Je tenais à te remercier pour ça et pour tout le reste, avant de disparaître définitivement de ta vie. Je ne sais pas comment je vais continuer à exister, si on peut appeler cela ainsi, sans toi. Je pense que ce serait plus facile si tu voulais bien me laisser te téléphoner de temps en temps. Au moins j'aurais la preuve que tout n'a pas été pour rien, qu'il y avait vraiment quelque chose entre nous, et que tu me conserves un minimum d'amitié. Réponds-moi vite, Maxime.